Puis comme chaque semaine, Destination Ailleurs sur RTL donne la parole à un expatrié étranger qui a choisi de vivre en France. Il nous raconte son histoire, son expérience, son quotidien évidemment. Alors après Lindsay, Iris, Giampaolo, faisons connaissance aujourd'hui avec un Belge qui vit dans le sud de la France, dans le Vaucluse, à Gigondas exactement. Il s'agit de Jean-François. Bonjour Jean-François, bienvenue sur RTL. Et bonjour Vincent, bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Jean-François. Alors depuis combien de temps êtes-vous installé à Gigondas ? Moi je suis arrivé en mai 2007 à Gigondas avec armes et bagages en venant directement de notre Belgique. La Belgique que l'on aime beaucoup évidemment. Vous avez 56 ans, oui. Vous êtes marié, vous avez des enfants ? J'ai été marié, comme on dit, j'ai 4 enfants qui sont en Belgique dont 2 sont aujourd'hui autour de moi. Apprécier le soleil du pays. Donc en Belgique, ils écoutent le RTL local, qui est Bel RTL d'ailleurs. Et on salue aussi les Belges sur RTL.fr qui nous écoutent peut-être. Bon, on vous retrouve dans quelques minutes. Oui, je suis là. Ok, vous restez avec nous, Jean-François. Alors un métier passionnant dans une région, c'est vrai, magnifique. Une belle histoire personnelle, c'est celle de notre expatrié belge, Jean-François. Il se confie à vous sur RTL. RTL, destination ailleurs. C'est Destination Ailleurs en direct sur RTL jusqu'à 16h avec notre premier expatrié. Il est belge et lui, il a décidé de s'installer en France. C'est Jean-François qui est avec nous du côté de Gigondas. C'est au sud de Vaison-la-Romaine et au nord de Carpentras. Vous me confirmez, Jean-François ? Oui, c'est bien ça, entre Carpentras, Vaison-la-Romaine et Orange. Vous étiez originaire d'où en Belgique ? Oh, je suis originaire de Namur, au centre de la Belgique francophone. Le Congo belge. Non. Oui, est né au Congo belge, c'est cela. C'est votre c'est là où vous êtes originaire de là-bas. Alors on va en venir à votre activité à Gigondas, mais vous avez eu un parcours professionnel assez électrique avant cela. Racontez-nous. Oui. Donc j'ai eu une scolarité à peu près classique, là, de ce qu'on appelle en Belgique des humanités, après le collège, le lycée, c'est ça. Et puis après ça, j'ai fait une licence en éducation physique à l'université de Louvain pour être prof d'éducation physique. Et puis j'ai également fait des cours de communication sociale. Et après ça, je ne sais pas, ma vie, mes passions m'ont mené vers l'agriculture. Et je me suis assez rapidement lancé comme tondeur de moutons en Belgique. Je suis parti en Charente-Maritime apprendre le métier de tondeur de moutons. Et puis de là, je suis revenu en Belgique très très fier. Moi, je savais tondre des moutons. J'ai fait une carte de visite, j'ai mis des petites annonces dans les journaux. Tondeur de moutons, travail pour vous. Et puis là-dessus, ça a été mon insertion dans le milieu de l'agriculture. J'ai fait de la tonte de moutons, j'ai fait de l'élevage de moutons, j'ai transformé de la laine avec mon ex-épouse qu'on faisait tricoter par des femmes des villages des environs pour revendre ses pulls sur des marchés. Puis j'ai créé un élevage de poulets, des œufs en biologie. J'ai eu un restaurant à la ferme, j'ai été gestionnaire de maison de repos. Et puis un jour, j'ai atterri dans le monde du vin en Belgique. Là, il y a très peu de domaines viticoles en Belgique, mais j'ai eu la chance de travailler pour un ami, pour Philippe Graffet, pendant quelques années dans son domaine. Voilà, c'est ça. C'est dernière étape avant la France, 3 ans et demi dans un domaine viticole en Belgique. Oui. Alors déjà, première question, il y en a beaucoup de domaines viticoles en Belgique ? Non, il y en a vraiment très très peu. Je pense que sur la Belgique, il y a à peu près 250 hectares de vignes. Et alors le domaine sur lequel je travaillais, c'était un domaine de 10 hectares, donc ça fait déjà un beau pourcentage, et 250 hectares, mais c'est parfaitement anecdotique. Mais bon, moi j'avais la chance de travailler dans ce domaine-là, un domaine professionnel tout nouveau, et donc j'ai eu une école d'apprentissage assez efficace. Ce qui nous amène à Gigondas, où vous êtes vigneron. Mais ça, je pense qu'on l'avait compris. Vous êtes, et c'est le titre de votre blog d'ailleurs, que l'on retrouve sur RTL.fr, vous êtes, je cite, le vigneron belge à Gigondas. C'est comme ça que vous qualifiez, ce qui est normal. Oui, tout à fait. Vous êtes le seul. Je suis le seul vigneron belge à Gigondas, pour sûr. On est quelques vignerons belges établis dans les côtes du Rhône, mais assez loin à la Ronde. Je suis le seul vigneron belge. Comment s'appelle votre propriété ? On va le dire. Mon domaine s'appelle le domaine de la tête noire. Pourquoi la tête noire ? Ah, tout le monde nous interpelle sur ça. Et la tête noire, c'est simplement un choix qu'on a fait avec mon ami et associé Hubert. On devait nommer notre domaine et on a cherché quelque chose de percutant, quelque chose qui faisait moderne, qui faisait qu'on nous retiendrait. Parce que dans le monde du vin, je pense maintenant, plus qu'avant, il faut vraiment jouer serré pour faire sa place et qu'on puisse faire tourner le domaine, quoi. Au menu aujourd'hui, frites et Côtes du Rhône. Avec vous, Jean-François. Vous êtes notre vigneron belge à Gigondas et on vous retrouve dans quelques instants, évidemment, pour continuer à parler de votre expatriation. À tout de suite. Alors, c'est vrai que nous avions eu il y a quelques temps Iris. Vous vous souvenez de Iris, une Allemande ? Bien sûr. Devenue vigneronne dans l'Hérault. Et décidément, c'est vrai que c'est une activité qui séduit pas mal les étrangers. Devenir vigneron, c'était un rêve que vous aviez depuis longtemps, Jean-François ? Oh, c'est un rêve que j'ai, établi petit à petit. C'est un rêve éveillé. Oui, qui est devenu réalité. C'est d'y avoir été actif pendant 3-4 ans dans le domaine en Belgique qui m'a donné le virus. Mais quand je scrute dans mon histoire, je me rends compte que depuis tout le temps, j'étais intéressé par le vin. Je me rappelle que tout enfant, à 5-6 ans, une fois, j'ai pressé du raisin que j'ai mis dans une bouteille dans ma chambre au-dessus d'une garde-robe et j'attendais que ça devienne du vin. C'est vrai, vous avez une fermentation, en tous les cas un début de fermentation ou pas du tout ? Non, c'était en Afrique, je crois que ça a fait quelque chose de pur, comme c'est pas possible. Alors, pourquoi avoir choisi cette région en France ? Vous aimiez les Côtes-du-Rhône ? On aimait beaucoup, avec mon associé Hubert, on aimait beaucoup les Côtes-du-Rhône, le vin de soleil, et puis il y a eu une petite réflexion assez terre-à-terre que, étant donné notre âge, on devait aller relativement vite et que c'était beaucoup plus facile de s'imposer dans le domaine du vin avec des appellations un peu porteuses comme le Vaqueras, comme le Keran sur Gigondas, plutôt que, je m'excuse pour tous ceux qui sont dans le cas, mais plutôt que de galérer avec des Côtes-du-Rhône ou des trucs basiques. Alors, moi, j'étais pas intéressé par de la production en quantité, j'étais intéressé par de la production en qualité. Ouais, il vous fallait un vin en appellation d'origine contrôlée qui soit porteur dans son nom même. Oui, tout à fait, qui était connu et reconnu, pas devoir faire tout le boulot. Ouais. Parce que là, quand vous parlez de Vaqueras, de Keran, ce sont les appellations, hein, on le précise. Oui. Quel vin produisez-vous ? C'est du blanc, du rosé, du rouge ? C'est quoi ? Oui. Moi, je suis majoritairement producteur de vin rouge sur les appellations Keran et Vaqueras. Il y a un peu de rosé aussi, quand même ? Oui, alors cette année-ci, pour mon grand plaisir et pour diversifier ma production, j'ai fait en 2009 un rosé en appellation Vaqueras que j'ai commencé à mettre à la vente au printemps. Quoi. C'est un domaine de combien d'hectares au total ? Moi, j'ai une quinzaine d'hectares que j'exploite en biologie. Ah oui, donc c'est du vin bio. Oui, oui. Voilà. Les cépages, parlons-en rapidement. Oui, donc majoritairement, comme dans les Côtes-du-Rhône, moi j'ai un encépagement de grenache. Alors j'ai de la syrah, j'ai du mourvèdre, j'ai également du vieux carignan. Et avec tout ça, ben, j'ai quand même une belle panoplie de choses pour faire, comme on dit ici, de jolies choses, de faire de tout bon vin, que j'espère à tout le moins. Comment vous les définiriez, vos vins, Jean-François ? Oh, moi je pense, hein, là j'espère ne froisser personne, je pense que j'ai des vins modernes, élégants, des vins d'approche pour des gens qui ont de la sensibilité. Je ne suis pas une encyclopédie, je ne fais pas des vins qu'on retrouve partout, qui sont... je pense que j'impressionne... Pas mal de connaisseurs qui goûtent mes vins, parce que preuve, c'est pas conventionnel. La preuve avec cette sacrée satisfaction, cette belle distinction, puisque vous avez eu des médailles au concours des vins d'orange notamment. Oui, et dès ma première année, là, le premier millésime que j'ai vinifié, c'était en 2008. Et moi, je dirais bien naïvement, je présente mes deux vins orange. Je m'imaginais pas du tout. Et puis le jour des résultats, là, on pouvait consulter le site internet. Je cherche et je vois mon nom, domaine de la tête noire sur Vaqueras. Je vais sous l'appellation Keran, je vois également domaine de la tête noire. Je comprenais pas trop. trop. Et puis le temps de réagir, c'était bingo. J'avais une médaille et pour mon Vaqueras et pour mon Kéram. Alors, elle est pas belle la vie. Deux petites questions rapides. Combien de bouteilles par an? Mes deux premiers millésimes, j'ai fait à peu près 45 000 bouteilles. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Vous en vivez bien, ça va? Je m'en sors bien, oui, j'espère. Ouais, non, vous en vivez bien, ça va, c'est une activité lucrative, je veux dire, c'est bien, ça se passe bien. Ouais, ça se passe. Là, je ne peux pas dire qu'on est sur un terrain glissant, mais ouais. Je travaille pour les banques, Je travaille pour la postérité, mais avec un immense plaisir. Je n'en veux pas du tout aux banques. Je les remercie de nous avoir suivis pour lancer ce projet-là passionnant. Bon. Merci les banques, merci beaucoup. Vous proposez également une chambre d'hôte hein, depuis cet été. Enfin, une belle activité. Nous sommes à Gigondas, dans le vignoble des Côtes-du-Rhône, méridional évidemment. Nous retrouvons Jean-François, notre vigneron belge installé en France cet après-midi. Et nous retrouvons en direct Jean-François, un belge à Gigondas. Jean-François, toujours avec nous ? Oui, sans souci. Bon, alors, pour un belge, ça va ? Il ne fait pas trop chaud chez vous, là où vous êtes en ce moment ? Il fait chaud, mais pas trop, il fait bon. Je crois que vous avez changé vos habitudes de vie hein, pour justement vous habituer à cette chaleur que vous n'aviez pas forcément en Belgique, même s'il ne fait pas non plus très très très froid. C'est vrai qu'il fait un peu plus frais quand même. Hein. Ouais. Fermez les volets le matin, vous les ouvrez le soir. Ça au début j'ai eu dur, hein. Je ne comprenais pas du tout. Je trouvais que c'était parfaitement tordu de se lever en fermant ses volets et de se coucher en les ouvrant, alors qu'en Belgique, ben, c'est le contraire. Le matin, premier truc qu'on fait, on ouvre ses volets tout grands, ses rideaux, sa fenêtre, et le soir, on s'enferme, on referme tout le bazar. Mais maintenant, à peine après 3 ans, je vis... présentement dans la pénombre, tout volet fermé. Je regarde mon thermomètre. Dès que la température commence à diminuer dehors, je réouvre mes fenêtres pour faire rentrer l'air frais et je les referme au matin. C'est une sacrée organisation quand même. Hein. Vous êtes mis à la sieste ? Je me suis mis à la sieste. À la sieste, tout à fait aussi. C'est aussi le même discours. Tout au début, j'espère une fois de plus que je froisse personne. Je me disais, quelle bande de fainéants, ces provençaux. Il n'y a jamais personne qui bosse dès qu'il y a un peu de soleil. Et la première année, de façon téméraire, j'étais dans mes vignes par tous les temps. Puis j'ai vite compris, à midi et demi, une heure, je me casse pour un certain nombre d'heures. Et maintenant, je fais la sieste, ce que je ne savais pas faire du tout avant. Pendant 50 ans, j'ai vécu en ayant horreur de m'endormir pendant la journée. Et maintenant, à partir de 11h30, presque, je me dis, allez, est-ce que je peux rentrer bientôt ? Est-ce que je peux aller faire ma sieste ? Eh ben oui. Alors, en dehors du travail, comment ça se passe la vie pour vous ? Vous êtes fait des amis, ça va ? Oui, moi je trouve que que tout le monde est génial. Bon, moi j'ai mon insertion par le monde du vin, hein, mais comme toute la région est au rythme du vin, quand on s'insère par le cœur de la région, il n'y a aucun souci, hein, moi je suis heureux comme un Belge à Gigondas. Alors, je viens de dire ça va, et justement en Belgique il y a des, alors je dirais pas des tics de langage, c'est pas ça du tout, mais il y a des expressions qu'on n'utilise pas en France, et le fameux ça va en fait partie, puisque lorsque l'on par exemple, on discute avec un Belge au téléphone, il dit ok, je te rappelle tout à l'heure vers 15h, ça va? Et alors moi la première fois je dis bah oui ça va, et toi? Non mais ça va, et là j'imagine l'adaptation a été facile, ça va? Ça a été? Oui. Bon. Ok. Les rapports avec les autres vignerons dans la région, comment sont-ils ? Parce que vous êtes un concurrent, certes, évidemment, même s'il y a une complémentarité entre chaque vigneron. C'est comme ça qu'on le dit pour être aimable, pour bien enrober les choses. Mais vous, en l'occurrence, vous êtes belge. Ouais. Donc, c'est bien vu, ça va ? Oui, je pense qu'on est tous... On est tous je pense pas qu'on soit concurrents, on fait tous la même chose. Et alors très très rapidement, on nous a dit, il y a des personnes un peu plus affables qui nous ont dit très très vite, vous savez, quand il y a des étrangers qui viennent, fondamentalement, on aime bien parce que vous venez avec d'autres idées, vous venez avec une autre clientèle, vous venez avec d'autres pratiques. Et moi, je sens bien que je n'ai aucune histoire avec moi, donc je ne me complexe pas pour le moindre bazar. Mon étiquette, elle est faite comme elle est faite, elle est splendide, mais je n'ai pas du tout tenu compte des 50 autres étiquettes de Gigondas ou de Vaqueras pour voir comment devait être la mienne. Moi, j'ai fait mon étiquette les yeux fermés, je l'ai collée sur la bouteille, je l'ai montrée, tout le monde m'a dit splendide, quoi. Ouais. Alors, parlez-nous un petit peu de Gigondas, hein. Il n'y a pas que le vin, il y a le village aussi, c'est comment chez vous ? Chimondas, c'est un fabuleux petit village. Moi, je ne suis pas habitué à ça, hein, venant de la Belgique. C'est un fabuleux petit village accroché à la colline de quelques maisons, avec une animation complètement paisible pendant toute la saison touristique. Il n'y a pas de parking à Chimondas. Enfin, il y a quelques parkings dans la commune, mais il n'y a pas pléthore. Il y a quelques commerces très dynamiques, mais il n'y a pas... On fait pas du shopping à Chimondas. C'est un... Moi, je trouve que c'est un bout de... un bout de paradis. C'est l'Éden. Ça a l'air. Hein. Vous parliez d'animation. Est-ce que vous serez, Jean-François, sur le marché nocturne de Chimondas mardi prochain? Oui, ce sera le 10 août. Mardi, à partir de 17h. Hein. À partir de 17h, le 10 août, le marché nocturne de Chimondas, ce sera mardi prochain. Vous souhaitez y aller, évidemment, allez y faire un petit tour. Jean-François, vous proposerez quoi, vous? Vous aurez un stand? Vous y allez en spectateur? Non, je propose mes vins à la dégustation et à la vente d'ensemble de ma production. Bon, pas de vente en ligne? Vous le faites pas encore, ça? Je fais pas de vente en ligne pour le moment. On est en train d'essayer de mettre un site en route, mais j'ai un autre site qui vend mes vins, vinodis.com. Bon, honnêtement, vous n'avez pas le mal du pays, non? Je n'ai pas le mal du pays du tout. J'aime beaucoup mon pays, je ne le comprends pas toujours en ayant quelques mois ou quelques années d'absence, mais je n'en ai pas le mal du tout. Hein. Même les... Pardon, mais Jean-Sébastien... Non, c'est vrai qu'en ce moment, la Belgique, c'est pas facile à comprendre. Hein. Ouais. Même les cornets de frites mayo, ça vous manque pas? Ah, là, vous touchez une fibre sensible. Ah oui. C'est un des trucs que je regrette, c'est quand le soir, à 10h du soir, vous crevez la dalle parce que vous avez bossé à mourir et qu'il n'y a plus rien dans votre frigo. Il n'y a pas moyen de monter dans sa bagnole pour trouver une baraque à frites et avoir un bon vrai cornet de frites. Hein. Ça, c'est bien. Hein. Puis les gaufres aussi. Enfin bref, la Belgique, quoi. Et pas seulement définitivement enracinée, alors on peut le dire, hein, Jean-François. Oui, moi, il y a ma place au cimetière que je n'ai pas réservée. Bon. Merci beaucoup d'être intervenu sur RTL cet après-midi pour nous faire découvrir votre parcours, un Belge installé en France avec le sourire et plein de choses à nous dire. Merci Jean-François. Oui, avec un grand plaisir. Merci Jean-François, au revoir. Oui, à tout bientôt.